Dans ce temps son enfer, je creuse et je t'enterre, je t'en sers. Subis sous terre dans mon cimetière. Blesse, blesse en cimère, je perce de l'air l'affaire. Un putain de ciment qui colle à tes branards. T'envoies au fond de la loi. La scène ou des égouts, t'as la main tout quand tu es toujours en noir. Jamais en retard pour baiser quelques gueules de MC. Appelle-moi la clash, tu bacs ton sang dans mon Pepsi. Imbécile, t'emmènes encore billard dans mon black taxi. Pas son âme, j'ai perdu la mèche. Ton hymen sexy, j'ai vendu des guns aux écoliers. Y'a que ça dans les rêves. Je le répète, je suis le concours des MC. Crève, poudre, crève. J'achète ton script, plus à la hache, la chiche t'achève. Ta chère HS, suis ton cauchemar et ton rêve. J'ai mieux défoncer les poulets. Un beau flic est un flic noir, découpé dans un plastique sac. Salope parisienne, j'ai t'apprendre à mieux me connaître. Pareil que le rap est mort, t'inquiète, je vais le faire renaître. Danse dans son enfer, je creuse et je t'enterre, je t'en sers. Suis pieds sous terre dans mon cimetière. Blesse, blesse en cimère, je perds sous l'air l'affaire. Ta mère est incinère, rendu au western. Danse dans son enfer, je creuse et je t'enterre, je t'en sers. Suis pieds sous terre dans mon cimetière. Blesse en cimère, je perds sous l'air l'affaire. Ta mère est incinère, rendu au western. Question. Du genre pourquoi es-tu méchant? T'as qu'à demander au curé pédophile. J'ai enterré vivant, je suis un trou noir filant. Un chaos défilant, un tamac brillant. Une NC flanche, une chambre, un Gigi Brandt, un incrédule priant. Ta mère se donne le sol, nique ta meuf en sode. Pendant que tu montes ta bite en comme sur Skyblock. Touche au Dark Dog, les skinheads me tirent les pompes sales. Ils s'assoient au fond du bus car ils savent que je suis XA. Des travail sans salaire dans mon champ de cannabis. Chez moi les racistes mangent la merde et boivent ma pisse. Si je t'aime, je baisse, mais si je te baisse, c'est parfois c'est que je t'aime. Y'a pas de gangster, c'est des groupes qui s'ajoutent ta gang. J'continue d'enterrer jusqu'à que la chair remplace la terre. Que mon globine remplace sa mère. Qu'un fruit sans être une m'énerve. Qu'un gagner, je vais faire. Tu vires vers sans viscère. Vire volte aussi l'air. Je bosse en solitaire. Danse dans son enfer. Je creuse et je t'enterre. Je t'en sers. Suis pieds sous terre dans mon cimetière. Blesse, blesse en cimère. Je perds sous l'air l'affaire. Ta mère est incinère, vendue au western. Danse dans son enfer. Je creuse et je t'enterre. Je t'en sers. Suis pieds sous terre dans mon cimetière. Sur Marie, et elle la boite, je prends l'hostie. Je veux faire une course contre moi avec ta Ferrari qui se pisse. Attends, je prends mes acides, je souris au suicide. Prends-moi un PR Max, j'irai plus vite. Dès que j'aurai Lily qui dé à travers la vitre, je perds, je sais. Je prends des pilules, je gerbe, je creuse. J'ai envie de rouler des grosses pelles à la faucheuse. Prends-moi place et tu moi acheter des pierres tombes, je vis ça. Je peux vendre une calache à un moins, j'y veux t'en jouer de ça. Dieu m'a tourné le dos, je perçois que je n'existe pas. Du rouge, j'irai bien, tu m'entends un peu. Je creuse et je t'enterre, je t'en sers. Suis pieds sous terre dans mon cimetière. Blesse, blesse en cimère. Je perds sous l'air l'affaire. Ta mère est incinère, rendue au